Audiomatic. Better is transmission 388 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique du projet Rapoon de l'artiste britannique Robin Story, ex-membre de la formation Zoviet France. Donc, de son projet solo Rapoon qu'il a lancé au début des années 90, nous écoutions la pièce Edge of Nowhere tirée de l'album Dark Rivers paru en 2009. C'est la musique des Beastie Boys qui assure maintenant la continuité à Audiomatique. The green alien landing craft from taking your humans from the ground and changing them into mutants. A mutant is very dangerous to you because he flies faster than you do and shoots at you. Thank you. Audiomatique, nous entendions Frank Black, qui est en fait un des pseudonymes de Charles Thompson, bien sûr chanteur du groupe Pixies, du premier album solo de Frank Black, qui est homonyme et qui a été lancé en 1993. Nous vous avons présenté la chanson Places Named After Numbers. Précédemment à Frank Black, il s'agissait du groupe parisien Acid Arab et la pièce Still, qui a été ici remixée par le groupe français Vox Low. Cette version se retrouve sur l'album Remixed, qui regroupe des pièces d'Acid Arab remixées par différents artistes. La version originale de Still est paru sur le premier album d'Acid Arab intitulé Musique de France et sorti en 2016. Et pour débuter, c'était bien sûr les Beastie Boys et leur composition Time to Build, extraite de leur sixième album To the Five Boroughs, dont le titre fait référence aux cinq arrondissements de la ville de New York, album qui a été lancé en 2004. Allons-y maintenant avec la musique de l'artiste canadien Rhys Fulber. Thank you. Audiomatique. Nous venons tout juste d'écouter le projet Monolith de l'artiste belge Eric Van Vontergem. De son album The Inner Core, paru en 2011, nous entendions la pièce Energy. Avant Monolith, c'était l'artiste canadien Rhys Fulber qui nous proposait Chemical, une composition apparaissant sur son nouvel album Brutal Nature. C'est au tour du trio américain Medeski, Martin and Wood de se faire entendre à Audiomatique. nous vous avons offert à Audiomatique la musique du groupe américain Luscious Jackson de son troisième album Electric Honey, paru en 1999. Nous avons entendu la chanson Space Diva. Avant, c'était le duo péruvien Ponku, qui est formé de deux membres du groupe Nova Lima. Du CD single pour la chanson Ancestral, nous vous avons présenté la pièce Ancestral, remixée par Nova Lima. Et la première pièce du bloc musical s'intitulait Chinoiserie et a été originalement composée par Duke Ellington. Elle était ici interprétée par le trio américain Medeski, Martin & Wood et est parue sur l'album Friday Afternoon in the Universe en 1995. Nous allons conclure cette transmission d'Audiomatique grâce au projet français Brain Leisure et sa pièce Beyond the Limits apparaissant sur l'album Mind Fire sorti en 1995. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici pour terminer Brain Leisure et la pièce Beyond the Limits. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.